je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Parole céleste. L'Éternel campe autour de ceux qui le craignent.